Résumé. Bienvenue à General International. Ce soir, nous allons accueillir le musicien Mario Savala, Alberto Chulito, from Israel. Il a 60 ans aujourd'hui! Ah! Et ensuite, un deuxième musicien. Oh! En direct. Au Québec. Oh. Il est sur l'autre ligne à Québec et on le rejoint par téléphone. Vincent Roy! Merci! Merci! Merci! Merci à toi! International. impressionnant, celui-là. International. International. International. International. International. International. International. International.